lorsque les pluies s'abattent. Lorsque les pluies s'abattent et creusent encore la plaie, qu'elles violent le rythme lent de ton début de larmes, que le village se tait, il faut trouver le mot qui saura engranger la force suffisante, qui pourra maintenir.